La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 2e, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cesset, livre 3e, théologie naturelle. Chapitre 23. Ce que pensait Hermès Trismégiste de l'idolâtrie, et comment il a pu savoir que les superstitions de l'Égypte seraient abolies. Note. Au temps de saint Augustin, il circulait un très grand nombre d'ouvrages qu'on supposait traduits de l'égyptien en grec ou en latin, et composés par Hermès. Rien de plus suspect que l'authenticité des livres hermétiques, rien de plus douteux que l'existence d'Hermès, personnage symbolique en qui se résumait toute la science et tous les arts de l'antique Égypte. Fin de la note. Hermès l'Égyptien, celui qu'on appelle Trismégiste, a eu d'autres idées sur les démons. Apulée, en effet, tout en leur refusant le titre de Dieu, voir en eux les médiateurs nécessaires des hommes auprès des dieux, et dès lors le culte des démons et celui des dieux restent inséparables. Hermès, au contraire, distingue deux sortes de dieux. Les uns qui ont été formés par le Dieu suprême, les autres qui sont l'ouvrage des hommes. À s'en tenir là, on conçoit d'abord que ces dieux, ouvrage des hommes, ce sont les statues qu'on voit dans les temples. Point du tout. Suivant Hermès, les statues visibles et tangibles ne sont que le corps des dieux. Et il les croit animés par de certains esprits qu'on a su y attirer et qui ont le pouvoir de nuire comme aussi celui de faire du bien à ceux qui leur rendent les hommages du culte et les honneurs divins. Unir ces esprits invisibles à une matière corporelle pour en faire des corps animés, des symboles vivants dédiés et soumis aux esprits qui les habitent, voilà ce qu'il appelle faire des dieux. Et il soutient que les hommes possèdent ce grand et merveilleux pouvoir. Note. Saint Augustin va citer ici une traduction attribuée à Apulée du dialogue hermétique intitulé Esculape. C'est une compilation d'idées hébraïques, égyptiennes, platoniciennes, où se trahit la main d'un falsificateur des premiers siècles de l'Église. Voyez la dissertation de Monsieur Guignan. De Hermus Mercurii Mythologia, Paris, 1835. Je rapporterai ici ces paroles, telles qu'elles sont traduites dans notre langue. Puisque l'Alliance et la Société des Hommes et des Dieux font le sujet de notre entretien, considérez, Esculape, quelle est la puissance et la force de l'homme. De même que le Seigneur est Père, Dieu en un mot, a produit les dieux du ciel. Ainsi l'homme a formé les dieux qui font leur séjour dans les temples et habitent auprès de lui. Et un peu après, l'homme donc, se souvenant de sa nature et de son origine, persévère dans cette imitation de la divinité, de sorte qu'à l'exemple de ce Père et Seigneur qui a fait des dieux éternels comme lui, l'homme s'est formé des dieux à sa ressemblance. Ici Esculape, à qui Hermès s'adresse, lui ayant dit « Tu veux parler des statues, Trismégiste ?» Celui-ci répond « Oui, c'est des statues que je parle, Esculape, quelques doutes qui puissent t'arrêter, de ces statues vivantes toutes pénétrées d'esprit et de sentiments, qui font tant et de si grandes choses, de ces statues qui connaissent l'avenir et le prédisent par les sortilèges, les devins, les songes et de plusieurs autres manières, qui envoient aux hommes des maladies et qui les guérissent, qui répandent enfin dans les cœurs, suivant le mérite de chacun, la joie ou la tristesse. Ignores-tu, Esculape, que l'Égypte est l'image du ciel, ou, pour mieux parler, que le ciel, avec ses mouvements et ses lois, il est comme descendu. Enfin, s'il faut tout dire, que notre pays est le temple de l'univers. Et cependant, puisqu'il est d'un homme sage de tout prévoir, voici une chose que vous ne devez pas ignorer. Un temps viendra où il sera reconnu que les Égyptiens ont vainement gardé dans leur cœur pieux un culte fidèle à la divinité, et toutes leurs cérémonies saintes tomberont dans l'oubli et le néant. Hermès s'étend fort longuement sur ce sujet, et il semble prédire le temps où la religion chrétienne devait détruire les vaines superstitions de l'idolâtrie par la puissance de sa vérité et de sa sainteté librement victorieuse, alors que la grâce du vrai Sauveur viendrait arracher l'homme au joug des dieux qui sont l'ouvrage de l'homme, pour le soumettre aux dieux dont l'homme est l'ouvrage. Mais, quand il fait cette prédiction, Hermès, tout en parlant en ami déclaré des prestiges des démons, ne prononce pas nettement le nom du christianisme. Il déplore au contraire, avec l'accent de la plus vive douleur, la ruine future de ces pratiques religieuses qui, suivant lui, entretenaient en Égypte la ressemblance de l'homme avec les dieux. Car il était de ceux dont l'apôtre dit « Ils ont connu Dieu sans le glorifier et l'adorer comme Dieu, mais ils se sont perdus dans leurs chimériques pensées, et leur cœur insensé s'est rempli de ténèbres. En se disant sages ils sont devenus fous, et ils ont prostitué la gloire de l'incorruptible divinité à l'image de l'homme corruptible. » Romains 1, 21 à 23. On trouve en effet dans Hermès un grand nombre de pensées vraies sur le Dieu unique et véritable qui a créé l'univers, et je ne sais par quel aveuglement de cœur il a pu vouloir que les hommes demeurassent toujours soumis à ces dieux qui sont, il en convient, leur propre ouvrage, et s'affliger de la ruine future de cette superstition. Comme s'il y avait pour l'homme une condition plus malheureuse que d'obéir en esclave à l'œuvre de ses mains. Après tout, il lui est plus facile de cesser d'être homme en adorant les dieux qu'il a faits, qu'il ne l'est à ses idoles de devenir dieu par le culte qu'il leur rend. Que l'homme, en effet, déchu de l'état glorieux où il a été mis, psaume 48, 12, descend au rang des brutes, c'est une chose plus facile que de voir l'ouvrage de l'homme devenir plus excellent que l'ouvrage de Dieu fait à son image, c'est-à-dire que l'homme même. Et il est juste par conséquent que l'homme tombe infiniment au-dessous de son Créateur, quand il met au-dessus de soi sa propre créature. Voilà les illusions pernicieuses et les erreurs sacrilèges dont Hermès l'Égyptien prévoyait et déplorait l'abolition, mais sa plainte était aussi impudente que sa science était téméraire, car le Saint-Esprit ne lui révélait pas l'avenir comme il faisait au saint prophète qui, certain de la chute future des idoles, s'écriait avec joie. Si l'homme se fait des dieux, ce ne seront point des dieux véritables. Jérémie 16, 20. Et ailleurs, « Le jour viendra, dit le Seigneur, où je chasserai les noms des idoles de la face de la terre, et la mémoire même en périra. » Zacharie 13, 2. Et Isaïe, prophétisant de l'Égypte en particulier, « Les idoles de l'Égypte seront renversées devant le Seigneur, et le cœur des Égyptiens se sentira vaincu. » Isaïe 19, 1. Parmi les inspirés du Saint-Esprit, il faut placer aussi ces personnages qui se réjouissaient des événements futurs dévoilés à leur regard, comme Siméon et Anne, Luc 2, 25 à 38, qui connurent Jésus-Christ aussitôt après sa naissance. Ou comme Élisabeth, Luc 1, 45, qui le connut en esprit dès sa conception, ou comme saint Pierre qui s'écria, éclairé par une révélation du Père, « Vous êtes le Christ, Fils du Dieu vivant. » Matthieu 16, 16. Quant à cet Égyptien, les esprits qui lui avaient révélé le temps de leur défaite, étaient ceux-là même qui dirent en tremblant à notre Seigneur pendant sa vie mortelle, « Pourquoi êtes-vous venu nous perdre avant le temps ?» Éphésiens 4, 14. soit qu'ils fussent surpris de voir arriver si tôt ce qu'ils prévoyaient à la vérité, mais sans le croire si proche, soit qu'ils fissent consister leur perdition à être démasqués et méprisés. Et cela arrivait avant le temps, c'est-à-dire avant l'époque du jugement, où ils seront livrés à la damnation éternelle avec tous les hommes qui auront accepté leur société, car ainsi l'enseigne la religion, celle qui ne trompe pas, qui n'est pas trompée, et qui ne ressemble pas à ce prétendu sage flottant à tout vent de doctrine, mêlant le faux avec le vrai, et se lamentant sur la ruine d'une religion convaincue d'erreur par son propre aveu. Chapitre 24. Tout en déplorant la ruine future de la religion de ses pères, Hermès en confesse ouvertement la fausseté. Après un long discours, Hermès reprend en ces termes ce qu'il avait dit des dieux formés par la main des hommes. En voilà assez pour le moment sur ce sujet. Revenons à l'homme et à ce don divin de la raison qui lui mérite le nom d'animal raisonnable. On a beaucoup célébré les merveilles de la nature humaine, mais, si étonnantes qu'elles paraissent, elles ne sont rien à côté de cette merveille incomparable, l'art d'inventer et de faire des dieux. Nos pères, en effet, tombés dans l'incrédulité et aveuglés par de grandes erreurs qui les détournaient de la religion et du culte, imaginèrent de former des dieux de leurs propres mains. Cet art une fois inventé, ils y joignirent une vertu mystérieuse empruntée à la nature universelle, et, dans l'impuissance où ils étaient de faire des âmes, ils évoquèrent celle des démons ou des anges, en les attachant à ces images sacrées et aux divins mystères, ils donnèrent leurs idoles le pouvoir de faire du bien ou du mal. Je ne sais en vérité si les démons évoqués en personne voudraient faire des aveux aussi complets. Hermès, en effet, dit en propres termes, « Nos pères, tombés dans l'incrédulité et aveuglés par de grandes erreurs qui les détournaient de la religion et du culte, imaginèrent de former des dieux de leurs propres mains. Or, ne pourraient-ils pas se contenter de dire nos pères ignoraient la vérité? Mais non, ils prononcent le mot d'erreur, et ils disent même de grandes erreurs. Telle est donc l'origine de ce grand art de faire des dieux. C'est l'erreur, c'est l'incrédulité, c'est l'oubli de la religion et du culte. Et cependant notre sage égyptien déplore la ruine future de cet art, comme s'il s'agissait d'une religion divine. N'est-il pas évident, je le demande, qu'en confessant de la sorte l'erreur de ses pères, il cède à une force divine, comme en déplorant la défaite future des démons, il cède à une force diabolique? Car enfin, si c'est par l'erreur, par l'incrédulité, par l'oubli de la religion et du culte qu'a été trouvé l'art de faire des dieux, il ne faut plus s'étonner que toutes les œuvres de cet art détestable, conçues en haine de la religion divine, soient détruites par cette religion, puisqu'il appartient à la vérité de redresser l'erreur, à la foi de vaincre l'incrédulité, à l'amour qui ramène à Dieu de triompher de la haine qui en détourne. Supposons que Trismégiste, en nous apprenant que ses pères avaient inventé l'art de faire des dieux, n'eût rien dit des causes de cette invention, c'eût été à nous de comprendre, pour peu que nous fussions éclairés par la piété, que jamais l'homme n'eût imaginé rien de semblable s'il ne se fût détourné du vrai, s'il eût gardé à Dieu une foi digne de lui, s'il fût resté attaché au culte légitime et à la bonne religion. Et toutefois, si nous eussions, nous, attribué l'origine de l'idolâtrie à l'erreur, à l'incrédulité, l'oubli de la vraie religion, l'impudence des adversaires du christianisme serait jusqu'à un certain point supportable. Mais quand celui qui admire avec transport dans l'homme cette puissance de faire des dieux, et prévoit avec douleur le temps où les lois humaines elles-mêmes aboliront ces fausses divinités instituées par les hommes, quand ce même personnage vient confesser ouvertement les causes de cette idolâtrie, savoir l'erreur, l'incrédulité et l'oubli de la religion véritable. Que devons-nous dire, ou plutôt que devons-nous faire, sinon rendre des actions de grâce immortelles au Seigneur notre Dieu, pour avoir renversé ce culte sacrilège par des causes toutes contraires à celles qui le firent établir? Car, ce qui avait été établi par l'erreur a été renversé par la vérité. Ce qui avait été établi par l'incrédulité a été renversé par la foi. Ce qui avait été établi par la haine du culte véritable a été rétabli par l'amour du seul vrai Dieu. Ce merveilleux changement ne s'est pas opéré seulement en Égypte, unique objet des lamentations que l'esprit des démons inspire à Trismégiste, il s'est étendu à toute la terre, qui chante au Seigneur un nouveau cantique, selon cette prédiction des Écritures vraiment sainte et vraiment prophétique. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, chantez au Seigneur, peuple de toute la terre. Psaume 95, 1. Aussi le titre de ce psaume porte-t-il, quand la maison s'édifiait après la captivité. En effet, la maison du Seigneur, cette cité de Dieu qui est la Sainte Église, s'édifie par toute la terre. Après la captivité où les démons retenaient les vrais croyants, devenus maintenant les pierres vivantes de l'édifice. Car, bien que l'homme fût l'auteur de ces dieux, cela n'empêchait pas qu'il ne leur fût soumis par le culte qu'il leur rendait et qui le faisait entrer dans leur société, je parle de la société des démons, et non de celle de ces idoles sans vie. Que sont en effet les idoles ? Sinon des êtres qui ont eu des yeux et ne voient pas, suivant la parole de l'Écriture, psaume 113, 5, et qui, pour être des chefs-d'œuvre de l'art, n'en restent pas moins dépourvus de sentiments et de vie. Mais les esprits immondes, liés à ces idoles par un art détestable, avaient misérablement asservi les âmes de leurs adorateurs en se les associant. C'est pourquoi l'apôtre dit, nous savons qu'une idole n'est rien et c'est aux démons, et non à Dieu, que les gentils offrent leurs victimes. Or, je ne veux pas que vous ayez aucune société avec les démons. 1 Corinthiens 8, 4, 10, 20. C'est donc après cette captivité qui asservissait les hommes aux démons, que la maison de Dieu s'édifie par toute la terre, et de là le titre du psaume où il est dit, chantez au Seigneur un cantique nouveau, chantez au Seigneur, peuple de toute la terre, chantez au Seigneur et bénissez son saint nom. Annoncez dans toute la suite des jours son assistance salutaire. Annoncez sa gloire parmi les nations et ses merveilles au milieu de tous les peuples, car le Seigneur est grand et infiniment louable. Il est plus redoutable que tous les dieux, car tous les dieux des gentils sont des démons, mais le Seigneur a fait les cieux. Psaume 95, 1 à 5. Ainsi, celui qui s'affligeait de prévoir un temps où le culte des idoles serait aboli, et où les démons cesseraient de dominer sur leurs adorateurs, souhaitait, sous l'inspiration de l'esprit du mal, que cette captivité dura toujours, au lieu que le psalmiste célèbre le moment où elle finira et où une maison sera édifiée par toute la terre. Trismégiste prédisait donc en gémissant ce que le prophète prédit avec allégresse, et comme le Saint-Esprit qui anime les saints prophètes est toujours victorieux. Trismégiste lui-même a été miraculeusement contraint d'avouer que les institutions dont la ruine lui causait tant de douleurs, n'avaient pas été établies par des hommes sages, fidèles et religieux, mais par des ignorants, des incrédules et des impies. Il a beau appeler les idoles des dieux, du moment qu'il avoue qu'elles sont l'ouvrage d'hommes auxquels nous ne devons pas nous rendre semblables, Par là même ils confessent, malgré qu'il en est, qu'elles ne doivent point être adorées par ceux qui ne ressemblent pas à ces hommes, c'est-à-dire qui sont sages, croyants et religieux. Ils confessent, en outre, que ceux-mêmes qui ont inventé l'idolâtrie ont consenti à reconnaître pour Dieu des êtres qui ne sont point Dieu, suivant cette parole du prophète, « Si l'homme se fait des dieux, ce ne sont point des dieux véritables. » Jérémie 16, 20. Lors donc que Trismégiste appelle Dieu de tels êtres, reconnus par de tels adorateurs et formés par de tels ouvriers, lorsqu'il prétend que des démons, qu'un art ténébreux a attaché à de certains simulacres par le lien de leur passion, sont des dieux de fabrique humaine, il ne va pas du moins jusqu'à cette opinion absurde du platonicien Apulée, que les démons sont des médiateurs entre les dieux que Dieu a faits, et les hommes qui sont également son ouvrage, et qu'ils transmettent aux dieux les prières des hommes, ainsi qu'aux hommes les faveurs des dieux. Car il serait par trop absurde que les dieux créés par l'homme eussent auprès des dieux que Dieu a fait, plus de pouvoir que n'en a l'homme, qui a aussi Dieu pour auteur. En effet, le démon qu'un homme a lié à une statue par un art impie, est devenu un dieu, mais pour cet homme seulement, et non pour tous les hommes. Quel est donc ce dieu qu'un homme ne saurait faire sans être aveugle, incrédule et impie? Enfin, si les démons qu'on adore dans les temples et qui sont liés par je ne sais quel art à leurs images visibles, ne sont point des médiateurs et des interprètes entre les dieux et les hommes, soit à cause de leurs mœurs détestables, soit parce que les hommes, même en cet état d'ignorance, d'incrédulité et d'impiété où ils ont imaginé de faire des dieux, sont d'une nature supérieure à ces démons enchaînés par leur art au corps des idoles, il s'ensuit finalement que ces prétendus dieux n'ont de pouvoir qu'à titre de démons, et que dès lors ils nuisent ouvertement aux hommes, ou que, s'ils semblent leur faire du bien, c'est pour leur nuire encore plus en les trompant. Remarquons toutefois qu'ils n'ont ce double pouvoir que tant que Dieu le permet par un conseil secret et profond de la Providence, et non pas en qualité de médiateur et d'ami des dieux. Ils ne sauraient, en effet, être amis de ces dieux excellents que nous appelons anges, trônes, dominations, principautés, puissances, toute créature raisonnable qui habite le ciel, et dont ils sont aussi éloignés par la disposition de leur âme, que le vice l'est de la vertu et la malice de la bonté. Chapitre 25. De ce qu'il peut y avoir de commun entre les saints anges et les hommes. Ce n'est donc point par la médiation des démons que nous devons aspirer à la bienveillance et au bienfait des dieux, ou plutôt des bons anges, mais par l'imitation de leur bonne volonté. De la sorte, en effet, nous sommes avec eux, nous vivons avec eux et nous adorons avec eux le Dieu qu'ils adorent, bien que nous ne puissions le voir avec les yeux du corps. Aussi bien, la distance des lieux n'est pas tant ce qui nous sépare des anges, que l'égarement de notre volonté et la défaillance de notre misérable nature. Et si nous ne sommes point unis avec eux, la raison n'en est pas dans notre condition charnelle et terrestre, mais dans l'impureté de notre cœur, qui nous attache à la terre et à la chair. Mais, quand arrive pour nous la guérison, quand nous devenons semblables aux anges, alors la foi nous rapproche d'eux, pourvu que nous ne doutions pas que par leur assistance celui qui les a rendus bienheureux fera aussi notre bonheur. Chapitre 26. Toute la religion des païens se réduisait à adorer des hommes morts. Quand ils déplorent la ruine future de ce culte, qui pourtant, de son propre aveu, ne doit son existence qu'à des hommes pleins d'erreurs, d'incrédulité et d'irréligion, notre Égyptien écrit ces mots dignes de remarque. Alors cette terre, sanctifiée par les temples et les autels, sera rempli de sépulcre et de mort. Comme si les hommes ne devaient pas toujours être sujets à mourir, alors même que l'idolâtrie n'eût pas succombé. Comme si on pouvait donner aux morts une autre place que la terre. Comme si le progrès du temps et des siècles, en multipliant le nombre des morts, ne devait pas accroître celui des tombeaux. Mais le véritable sujet de sa douleur, c'est qu'il prévoyait sans doute que les monuments de nos martyrs devaient succéder à leurs temples et à leurs autels, et peut-être, en lisant ceci, nos adversaires vont-ils se persuader, dans leur aversion pour les chrétiens et dans leur perversité, que nous adorons les morts dans les tombeaux comme les païens adoraient leurs dieux dans les temples. Car tel est l'aveuglement de ces impies, qu'ils se heurtent, pour ainsi dire, contre des mensonges, et ne veulent pas voir des choses qui leur crèvent les yeux. Ils ne considèrent pas que, de tous les dieux dont il est parlé dans les livres des païens, à peine s'en trouve-t-il qui n'aient été des hommes, ce qui ne les empêche pas de leur rendre les honneurs divins. Je ne veux pas m'appuyer ici du témoignage de Varron, qui assure que tous les morts étaient regardés comme des dieux mânes, et qui en donne pour preuve les sacrifices qu'on leur offrait, notamment les jeux funèbres, marque évidente, suivant lui, de leur caractère divin, puisque la coutume réservait cet honneur aux dieux. Mais pour citer Hermès lui-même, qui nous occupe présentement, dans le même livre où il déplore l'avenir en ces termes, « Cette terre, sanctifiée par les temples et les autels, sera remplie de sépulcres et de morts, il avoue que les dieux des Égyptiens n'étaient que des hommes morts. Il vient, en effet, de rappeler que ses ancêtres, aveuglés par l'erreur, l'incrédulité et l'oubli de la religion divine, trouvèrent le secret de faire des dieux, et, cet art une fois inventé, y joignirent une vertu mystérieuse empruntée à la nature universelle. Après quoi, dans l'impuissance où ils étaient de faire des âmes, ils évoquèrent celle des démons et des anges, et, les attachant à ces images sacrées et aux divins mystères, donnèrent ainsi à leurs idoles le pouvoir de faire du bien et du mal. Puis, il poursuit, comme pour confirmer cette assertion par des exemples, et s'exprime ainsi. Votre aïeul, Esculape, a été l'inventeur de la médecine, et on lui a consacré sur la montagne de Libye, près du rivage des crocodiles, un temple où repose son humanité terrestre, c'est-à-dire son corps, car ce qui reste de lui, ou plutôt l'homme tout entier, si l'homme est tout entier dans le sentiment de la vie, est remonté meilleur au ciel, et maintenant il rend aux malades, par sa puissance divine, les mêmes services qu'il leur rendait autrefois par la science médicale. Peut-on avouer plus clairement que l'on adorait comme un dieu un homme mort, au lieu même où était son tombeau? Et, quant au retour d'Esculape au ciel, Trismégiste, en l'affirmant, trompe les autres et se trompe lui-même. Mon aïeul Hermès, ajoute-t-il, ne fait-il pas sa demeure dans une ville qui porte son nom, où il assiste et protège tous les hommes qui s'y rendent de toutes parts? On rapporte, en effet, que le grand Hermès, c'est-à-dire Mercure, que Trismégiste appelle son aïeul, a son tombeau dans Hermopolis. Voilà donc des dieux qui, de son propre aveu, ont été des hommes, Esculape et Mercure. Pour Esculape, les Grecs et les Latins en conviennent, mais à l'égard de Mercure, plusieurs refusent d'y voir un mortel, ce qui n'empêche pas Trismégiste de l'appeler son aïeul. À ce compte, le Mercure de Trismégiste ne serait pas le Mercure des Grecs, bien que portant le même nom. Pour moi, qu'il y en ait deux ou un seul, peu m'importe. Il me suffit d'un Esculape qui d'homme soit devenu dieu, suivant Trismégiste, son petit-fils, dont l'autorité est si grande parmi les païens. Il poursuit, et nous apprend encore, qu'Isis, femme d'Osiris, fait autant de bien quand elle est propice, que de mal quand elle est irritée. Puis il veut montrer que tous les dieux de fabrique humaine sont de la même nature qu'Isis, ce qui nous fait voir que les démons se faisaient passer pour des âmes de morts attachées aux statues des temples par cet art mystérieux dont Hermès nous a raconté l'origine. C'est dans ce sens qu'après avoir parlé du mal que fait Isis quand elle est irritée, il ajoute, les dieux de la terre et du monde sont sujets à s'irriter, ayant reçu des hommes qui les ont formés l'une et l'autre nature. Ce qui signifie que ces dieux ont une âme et un corps. L'âme, c'est le démon, le corps, c'est la statue. Voilà pourquoi, dit-il, les Égyptiens les appellent de saints animaux. Voilà aussi pourquoi chaque ville honore l'âme de celui qui l'a sanctifiée de son vivant, obéit à ses lois, et porte son nom. Que dire maintenant de ces plaintes lamentables de Trismégiste, s'écriant que la terre, sanctifiée par les temples et les autels, va se remplir de sépulcres et de morts? Évidemment, l'esprit séducteur qui inspirait Hermès se sentait contraint d'avouer par sa bouche que déjà la terre d'Égypte était pleine en effet de sépulcres et de morts, puisque ces morts y étaient adorés comme des dieux. Et de là cette douleur des démons, qui prévoit les supplices qui les attendent sur les tombeaux des martyrs, car c'est dans ces lieux vénérables qu'on les a vus plusieurs fois souffrir des tortures, confesser leur nom et sortir des corps des possédés. Chapitre 27. De l'espèce d'honneur que les chrétiens rendent aux martyrs. Et toutefois, nous n'avons en l'honneur des martyrs, ni temple, ni prêtre, ni cérémonie, parce qu'ils ne sont pas des dieux pour nous, et que leur Dieu est notre seul Dieu. Nous honorons, il est vrai, leurs tombeaux comme ceux de bons serviteurs de Dieu, qui ont combattu jusqu'à la mort pour le triomphe de la vérité et de la religion, pour la chute de l'erreur et du mensonge. Courage admirable que n'ont pas eu les sages qui avant eux avaient soupçonné la vérité. Mais, qui d'entre les fidèles a jamais entendu un prêtre devant l'autel consacré à Dieu, sur les saintes reliques d'un martyr, dire dans les prières Pierre, Paul ou Cyprien, « Je vous offre ce sacrifice » C'est à Dieu seul qu'est offert le sacrifice célébré en leur mémoire. À Dieu, qui les a faits hommes et martyrs, et qui a daigné les associer à la gloire de ses saints anges. On ne veut donc par ces solennités que rendre grâce au vrai Dieu des victoires des martyrs, et exciter les fidèles à partager un jour, avec l'assistance du Seigneur, leur palme et leur couronne. Voilà le véritable objet de tous ces actes de piété qui se pratiquent au tombeau des saints martyrs, ce sont des honneurs rendus à des mémoires vénérables, et non des sacrifices offerts à des morts comme à des dieux. Ceux même qui y portent des mets, coutume qui n'est d'ailleurs reçue qu'en fort peu d'endroits, et que les meilleurs chrétiens n'observent pas, les emportent après quelques prières, soit pour s'en nourrir, soit pour les distribuer aux pauvres, et les tiennent seulement pour sanctifier par les mérites des martyrs, au nom du Seigneur des martyrs. Mais, pour voir là des sacrifices, il faudrait ne pas connaître l'unique sacrifice des chrétiens, celui-là même qui s'offre en effet sur ces tombeaux. Ce n'est donc ni par des honneurs divins, ni par des crimes humains que nous rendons hommage à nos martyrs, comme font les païens à leurs dieux, nous ne leur offrons pas des sacrifices, et nous ne travestissons pas leurs crimes en choses sacrées. Parlerai-je d'Isis ? Femme d'Osiris, déesse égyptienne, et de ses ancêtres qui sont tous inscrits au nombre des rois? Un jour qu'elle leur offrait un sacrifice, elle trouva, dit-on, une moisson d'orge dont elle montra quelques épis au roi Osiris, son mari, et à Mercure, conseiller de ce prince, et c'est pourquoi on a prétendu l'identifier avec Cérès. Si l'on veut savoir tout le mal qu'elle a fait, qu'on lise, non les poètes, mais les livres mystiques, ceux dont parla Alexandre à sa mère Olympia, quand il reçut les révélations du pontife Léon, et l'on verra à quels hommes et à quelles actions on a consacré le culte divin. À Dieu ne plaise qu'on ose comparer ces dieux, tout dieu qu'on les appelle, à nos saints martyrs, dont nous ne faisons pourtant pas des dieux. Note. Sur cette prétendue lettre d'Alexandre à Olympias, voyez plus haut, chapitre 5, et Diodore de Sicile, livre 1er, chapitre 13 et suivant. Fin de la note. Nous n'avons institué en leur honneur ni prêtre, ni sacrifice, parce que tout cela serait inconvenant, illicite, impie, étant offert à tout autre qu'à Dieu. Nous ne cherchons pas non plus à les divertir en leur attribuant des actions honteuses ou en leur consacrant des jeux infâmes, comme on fait à ces dieux dont on célèbre les crimes sur la scène, soit qu'ils les aient commis, en effet, quand ils étaient hommes, soit qu'on les invente à plaisir pour le divertissement de ces esprits pervers. Certes, ce n'est pas un dieu de cette espèce que Socrate aurait eu pour inspirateur, s'il avait été véritablement inspiré par un dieu, mais peut-être est-ce un conte imaginé après coup par des hommes qui ont voulu avoir pour complice dans l'art de faire des dieux un philosophe vertueux, fort innocent, à coup sûr, de pareilles œuvres. Pourquoi donc nous arrêter plus longtemps à démontrer qu'on ne doit point honorer les démons en vue du bonheur de la vie future? Il suffit d'un sens médiocre pour n'avoir plus aucun doute à cet égard. Mais on dira peut-être que si tous les dieux sont bons, il y a parmi les démons les bons et les mauvais, et que c'est aux bons qu'il faut adresser un culte pour obtenir la vie éternelle et bienheureuse. C'est ce que nous allons examiner au livre suivant. Markendanarchive.org, 2019, d'après abbaye saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.